cher amoureux, et je cède à tes voeux. Fais de moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précis. J'aspire à l'instant précieux où nous sommes.